m'passe à dormir. M'passe à dormir toute la nuit. Ou gen doit aller dans juste la ville. Ou dans de ma plainte. Toute la nuit. Mais ça tue maintenant. Il mettait mon cadavre tout, toute la nuit, il mettait mon cadavre. Mon cadavre tout le temps, toute la nuit, mon cadavre. Mon cadavre. Mais pas qui vivait, c'est que l'a gardé moi, m'a gardé le tout. Et puis quand l'a gardé, il va encore, l'a provoqué moi. Li souri ba mwen, mwen mwen mwen rivali nan moustache. Baka yo pata yon mle kwe, yo fe pe manan toy. Yo mette ti kokade rouge, ti kokade noir, ti kokade blanc, ti kokade violine. Ay ay ay, yo nom ki jen gason, on pa fe wè sa. Faut toujours votre clinique laboratoire. Ha. Et c'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. C'est mon Dieu fait des grandes cliniques qui relaient paradis des deux mondes. C'est ça qui me sauve moi. C'est ça qui sauve. L'aime tout ça. Hey. Mais gros sel. Mais la gel. Gosse avec sa boca monde gagne. Li produit 8 tranches suivant coup de couteau la porte grande. Hein, oui, bagaille la dominé. Li fout dominé oui. Ça marchait, le pied m'a bêté.